Dans la ville de Besançon, on a trouvé un poisson qui chantait une chanson au marchand de hameçons qui n'aimait pas le poisson, préférait le saucisson et donna des hameçons au poisson.